quand je pense à nos histoires, nos échanges, nos regards. Quand je pense aux moments qu'on a, quand toi et moi on s'enlace. Quand je pense qu'avec toi, ouais, j'avais tout et bien plus encore. L'amour que j'ai pour toi, je ne le connais pas. Mais ça c'est dans ma tête, des illusions, des rêves. Laissez le temps pour accepter que ça n'existera jamais. Mon âme sert mon être, le plus précieux, le plus cher. Sans toi je disparais, jamais je m'en remettrai. J'arrêterai pas de penser que nous deux, ouh. J'arrêterai pas de te mentir, de pas dire les choses. J'arrêterai pas de m'enfuir, de mourir sans arrêt. J'arrêterai pas, facile pour moi. Je pense à ce qu'on aurait pu vivre avant. Je pense à tous ces moments qu'on n'aura pas. Si on se disait tout maintenant, on souffrirait plus comme avant. Je pensais pas me dire que tu es celui que j'aimerais jusqu'au bout. Oh non, je pense qu'à te prendre dans mes bras, tu sois qu'à moi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mais ça c'est dans ma tête, des illusions, des rêves. Laissez le temps pour accepter que ça n'existera jamais. Là me sert mon être, le plus précieux, le plus cher. Sans toi je disparais, jamais je m'en remettrai. J'arrêterai pas de penser que nous deux, j'arrêterai pas de te mentir, de pas dire les choses. J'arrêterai pas de m'enfuir, de m'ouvrir sans arrêt. J'arrêterai pas, facile pour moi. Facile pour moi c'est pas facile d'admettre qu'on sera jamais ensemble pour la vie, que nos corps se serreront jamais. Facile pour moi c'est pas facile d'admettre qu'on sera jamais ensemble pour la vie, que nos corps se serreront jamais. J'arrêterai pas de penser que nous deux, j'arrêterai pas de te mentir, de pas dire les choses. J'arrêterai pas de m'enfuir, de mourir sans arrêt. J'arrêterai pas, facile pour moi. Facile pour moi, oui. Facile, pas facile pour moi, oui.